Vous écoutez France Culture. Troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire des Vikings. Après avoir déçu peut-être certains de vos souvenirs de primaire, de collège ou de lycée à propos des casques à cornes ou encore des drakkars, en vous expliquant lundi à Caen par exemple qu'il y avait peu de traces des Vikings en Normandie, et hier dans le documentaire que certes les Vikings étaient bien des guerriers mais aussi des fermiers et des commerçants, et avant de nous demander demain les autres, quels étaient les autres territoires de conquête des Vikings, en particulier la Russie, eh bien nous allons ce matin nous demander comment faire l'histoire justement des Vikings chez eux. Qui étaient-ils? Comment vivaient-ils en Scandinavie? À partir de quelles sources littéraires, épigraphiques, archéologiques peut-on connaître la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes? C'est ce que nous verrons avec Perrine Kervan, qui a préparé cette semaine avec nous, grâce à une brassée de textes anciens qui sont relus pour nous aujourd'hui par Nathalie Canouy. Ils seront commentés, ces textes, par nos deux invités. Anne Nissen, que vous venez d'entendre, elle est professeure des universités en archéologie médiévale à l'université de Paris 1. Elle est spécialisée dans le Haut Moyen-Âge. Et François Aymion est également avec nous. Il est maître de conférence à Paris 4, co-directeur d'une Islande dans l'imaginaire, publié cette année aux presses universitaires de Caen, et qui est le résultat, ce livre collectif, d'un colloque qui s'est tenu sur ce thème et dans cette même ville de Caen, c'était en 2008. Voilà donc pour cette troisième émission de notre série. Rebonjour donc Anne Nissen. Alors si on part du début, peut-on avoir la date de naissance de ce phénomène viking? A-t-on l'assurance qu'il débarque bien, comme généralement on l'a dit, aux alentours de l'an 800? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe auparavant qui pourrait être apparenté évidemment à ce phénomène viking? Et puis quel est l'espace géographique dans lequel on peut situer ce phénomène viking au tout départ, Anne Nissen? Bon, c'est une question qui appelle à plusieurs réponses. Donc, le phénomène viking, si par là on entend des raids par la mer, c'est un phénomène bien plus ancien. On est là en face d'un effet de source, au fait, où l'époque viking, qui est d'une certaine manière décidée par les sources écrites, va uniquement commencer quand les Scandinaves commencent à s'attaquer à ceux qui écrivent. Donc, en l'occurrence, bon, il y a le célèbre passage qui décrit Lindisfarne en 793. Donc, il y a 1220 ans, exactement, voilà. En, oui. juin, en juin 793, donc, Lindisfarne, l'abbaye de Lindisfarne, qui est attaquée donc, par ce raid viking. Donc ça, généralement, c'est la date que l'on donne pour le début de cette ère viking, quand on en parle depuis, depuis en particulier la France, ou depuis l'Europe occidentale. Mais vous vous dites, ça c'est parce que c'est un effet de source. Oui, et si on le voit de Scandinavie, on le verra tout à fait autrement, aussi parce qu'il y a eu beaucoup de projets de recherche qui voient la constitution du pouvoir. Alors c'est une période où se forment aussi les futurs royaumes médiévaux scandinaves, dont la Finlande ne fait pas partie. Et on voit qu'au fait, c'est à la fin du second siècle de notre ère qu'on voit quelque chose qui est tout à fait viking. Si on veut se tourner un peu vers les sources écrites, d'ailleurs Grégoire Le Tour, il parle déjà de l'attaque d'un roi danois, Clochilaicus, en Eustrie, mais qui va être défait, tué. Et donc depuis, les Scandinaves se tiennent tranquilles jusqu'à la fin du 8e siècle. Mais autrement, si on se situe dans une position d'archéologue, on voit que je suis. Et à ce propos aussi, je crois que d'un point de vue scandinave, c'est vraiment une période proto-historique. L'âge viking, c'est l'âge du fer récent, ou Montelius VIII, si on veut parler dans le langage codé. Oui, là, je vous épargnerai, voilà, il vaut mieux, bien il vaut sûr. Mieux. Mais c'est simplement pour insister sur le fait que c'est d'abord l'archéologie qui va nous informer sur tout ça. Et là, l'archéologie nous montre que la société change, d'abord par des très spectaculaire sacrifice d'armes qui montre des conflits très violents. À quelle date à peu près ? Ça, c'est la fin du second siècle de notre ère. D'accord. Et les siècles suivants, un bateau de Nudam, c'est début 4e siècle, d'ordre chronologie 316, et où on voit que des gens, des grandes forces, ont traversé la mer pour s'attaquer, là, en l'occurrence, du futur Danemark. Ils ont perdu et donc tout a été sacrifié dans le lac. Donc ça veut dire qu'on a, on gagne là 3 ou 4 siècles par rapport à la vision classique que l'on a de cet âge viking. On remonte 3 ou 4 siècles en arrière. Même un demi-millénaire en fait. Ouais. Et si on voit la mythologie, on a des iconographies qui aussi a amené dans le milieu scandinave de revoir les sagas autrement. Moi j'ai grandi dans une période où en fait, on ne voulait pas du tout entendre parler des sagas quand on était scandinave. Parce que ce sont des sources tardives. Ils sont écrits en Islande. Et là... C'est racisme. Non, mais c'est parce qu'au fait, on l'a souvent utilisé pour décrire le monde scandinave du sud. Or, le contexte social, le contexte politique est différent. Alors vous qui êtes spécialiste justement de ces sagas scandinaves, François Aimion, et de ces sagas islandaises en particulier, donc elles sont tardives, elles datent plutôt du 12e ou du 13e siècle d'après 13e, enfin, les premières sont composées dans la fin du 12e siècle, mais l'âge classique, c'est 13e siècle. 13e siècle, donc relativement tardivement par rapport à ce que vient de nous décrire Anne Nissen. Alors, quelles sont ces sources et peut-on se fier à ces sources pour pouvoir nous raconter soit la période classique que l'on appelle période viking, c'est-à-dire 9e, 10e ou 11e siècle, et soit la période antérieure encore, François Aimion, selon vous? Alors ça, c'est une vaste question et à laquelle il est difficile de répondre. Alors qu'est-ce qu'une saga? Une saga, le mot saga qui est un peu dévoyé sémantiquement parce qu'on l'emploie un peu à tort et à travers. Ça prouve que ça a du succès. Voilà, ça a du succès. C'est apparenté au verbe segia qui veut dire dire, donc c'est quelque chose qui est dit, hein, fondamentalement. Donc, une histoire qui peut être fictive ou qui peut avoir des prétentions historiques. Et les Islandais vont se faire une spécialité. Ils sont considérés un peu comme les conservateurs de la mémoire du Nord. Et après un siècle et demi après la christianisation de l'Islande, donc ils ont acquis les outils qui leur permettent d'écrire sur parchemin avec l'écriture latine, l'écriture locale, runique n'étant pas adaptée à des textes de grande ampleur. Ils vont écrire sur des biographies des rois de Norvège et une quarantaine de textes qu'on appelle Saga des Islandais, qui racontent, qui retracent la vie de personnages proéminents de l'île ou de familles et qui focalisent beaucoup sur les conflits qui ne manquaient pas de survenir entre ces Islandais. Alors, ces textes sont couchés sur le papier, donc sur le vélin du côté du 13e siècle, mais racontent des histoires qui sont bien antérieures. Alors, ce qu'on appelle le corpus de cette quarantaine de textes, de Saga des Islandais, ça commence avec la colonisation de l'Islande aux alentours de 870 et elles se poursuivent en général jusqu'à la fin de l'époque viking, au milieu du 11e siècle. Après, on a d'autres types de textes qu'on appelle Saga des Contemporains, qui sont écrits justement par les contemporains d'une génération ou deux après les faits. Et on a aussi, ce sont des sagas plus tardives et qui ont diverses influences, les sagas des temps anciens, des sagas légendaires, qui, elles, narrent des événements mythiques, légendaires, hors d'Islande. Hein. Voilà. Périne Caron. Anne Nissen, peut-être vous pouvez essayer de nous expliquer déjà ce qu'on a évoqué au début de l'émission, la question de l'étendue géographique, du phénomène viking, et puis justement ce mot viking, c'est-à-dire que dans l'esprit aujourd'hui, ça recoupe une réalité précise, on se dit voilà, dans tel endroit, il y avait les vikings. Mais vous avez tendance à dire que finalement, viking, c'est plutôt une manière d'être, plutôt un type de fonctionnement qu'une civilisation en tant que telle. Oui, alors tout d'abord pour l'étendue, et donc on l'a déjà entrevu un peu dans les échanges, il ne faut pas oublier que la Scandinavie, c'est très très très étendu, c'est des conditions géographiques très très très différentes. Donc vous avez le nord de la Norvège qui se situe au nord du cercle polaire. Mmh. Et vous avez le sud du Danemark, où là, maintenant, le Danemark médiéval, maintenant le nord de l'Allemagne, le Danevirk, le rempart qui protégeait un peu le Danemark aussi à l'époque viking et avant, contre le sud. Et ce rempart se trouve aussi loin du nord de l'Norvège que du nord de l'Afrique. Donc les distances sont énormes. Après, Donc ça veut dire qu'il y a sur cet espace géographique gigantesque différentes manières de se comporter, qu'on a pour l'instant tenté de les unifier, mais qu'il y a tout de même des différentes façons de se comporter, c'est cela ? Ou il y a une unité de... Une unité culturelle. Une unité culturelle tout de même, la langue, linguistique, etc. etc. Anne Nissen. Oui, il y a une unité linguistique qui était certainement aussi plus forte dans les périodes hautes que déjà dans l'époque médiévale et encore aujourd'hui. Mais en même temps, culturelle, vu aussi les zones de contact, déjà là, il y a des différences. Par exemple, si vous êtes dans le sud de la Scandinavie, le futur Danemark, là, vous avez un accès tout à fait naturel vers le nord de la France et vers la Frise et l'Angleterre, bien sûr. Donc, le Danelaw, c'est pas pour rien. Si vous êtes en Suède, ça va plutôt être de l'autre côté de la Baltique. Et en Norvège, plutôt le nord de l'Atlantique et l'Irlande. Mmh. Ce qui se voit aussi dans les objets qu'on trouve. Donc, on voit les relations qu'on a eues. Au niveau de société, c'était aussi très différent. La société... du sud de Scandinavie était beaucoup plus fortement structurée. C'est là où on a aussi les premières villes. Et on voit une organisation beaucoup plus hiérarchisée que dans les autres et groupée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien que les travaux des archéologues, dont vous êtes, Anne Nissen, ont changé considérablement la vision depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que l'on avait traditionnellement de cette civilisation viking. Donc, en particulier, en remettant en cause certaines des idées qui étaient là présentes dans tous les textes qu'on pouvait lire, jusqu'à encore très récemment d'ailleurs, sur cette expansion viking en particulier. Vous dites fin du 8e siècle, 793, donc premières expéditions narré par des moines donc anglais, et ensuite évidemment on raconte toutes les autres expéditions qui ont lieu au 9e siècle. Et cela, vous dites, on a souvent dit que c'était parce que il y avait un trop plein de monde, que évidemment ils n'avaient pas assez d'espace pour vivre, ces vikings, et que ils allaient à la conquête pour justement se répandre dans le monde. Ils étaient trop nombreux parce qu'il y avait eu un réchauffement climatique, des meilleures conditions pour la pousse du blé, et qu'au bout du compte, eh bien, ils étaient plus nombreux qu'ils n'étaient une ou deux générations auparavant, qu'ils devaient quitter ces terres, en l'occurrence. Ça, vous dites, aujourd'hui, les archéologues n'en sont pas sûrs, ou même pas sûrs du tout, en l'occurrence, Anne Nissen. Oui, mais je dirais aussi bien les archéologues que les historiens. Et donc ça, c'est à la fois le paléo-environnement aussi le montre déjà. Donc il reste encore une couverture forestière importante, même s'il y a une expansion de l'agriculture, comme on l'observe aussi en France. Hein, on parle souvent de la première croissance agricole carolingienne. Et si on regarde par exemple les fermes, quand on les fouille, les fermes qu'on a en Scandinavie, que ce soit en Norvège ou en Suède ou au Danemark, sont bien plus grandes que ce qu'on trouve dans des habitats ruraux contemporains, par exemple en France. Donc ce sont des très grandes exploitations. On voit aussi par les essences que c'est d'une agriculture performante. Mais la vraie expansion, on peut dire qu'il y a, on peut commencer à parler d'un grand, un petit plein de démographique, ça se situe au 11e, 12e siècle. Donc après la période viking. Après la période viking. En revanche, ce qu'on voit, et je crois que ça, il faut le mettre dans un contexte de son temps. On est dans une période où le fait que c'est dominé par des élites guerrières, les élites guerrières, c'est aussi une économie très très très chère, avec des dons fastidieux qu'on peut voir dans les sources narratives. Et même Charlemagne, en fait, il fait un peu la même chose, mais avec la terre. Le pouvoir de Charlemagne, ça va parce qu'il va à la conquête. Il va conquérir la Saxe, il va même conquérir vers les Avars parce qu'ils ont de l'or. Bon, après, vu que ce sont des chrétiens et c'est eux qui parlent, on ne le voit pas comme des raids. Mais si on se situait de l'autre côté... Bien sûr. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit enfant, quand on apprenait sur Charlemagne, on le voyait surtout comme un missionnaire très, très brutal et sanguinaire. Donc ça, c'est une description vue de l'autre côté des... Et donc, là, c'est la gloire, c'est la richesse. Alors, François Aignon, ils partent en particulier du côté de l'Islande. Ils vont s'installer donc progressivement par saut de puce, pourrait-on dire. Irlande d'abord, Islande ensuite, c'est cela En partie, oui. La colonisation de l'Islande, donc, j'ai dit tout à l'heure, à partir de la fin du 9e siècle, hein, qui dure à peu près une soixantaine d'années, jusque dans les années 930. Alors, c'est pas vraiment des Vikings, puisque ce ne sont plus des raids, ce sont la colonisation. Les Norvégiens vont coloniser beaucoup à l'ouest, hein, les Féroé au début du 9e siècle, auparavant les îles écossaises, les archipels écossais où il y a une très forte implantation norvégienne, etc. Donc à partir de là, l'Irlande, donc les Norvégiens sont déjà très bien implantés dans ces régions nord-atlantiques et effectivement ils vont à partir de là, mais parfois aussi directement de Norvège, aller coloniser l'Islande pour des raisons peut-être politiques, hein. On a souvent invoqué, traditionnellement, les auteurs de Sega ont commencé à invoquer un changement politique en Norvège à l'articulation du 9e et du 10e siècle. Le roi Harald à la belle chevelure acquiert une forme de pouvoir sur la Norvège et des chefs épris de liberté et d'indépendance se transportent en Islande. On est encore dans les élites, effectivement, parce qu'il fallait pouvoir affréter des bateaux et partir en laissant ses biens. Périne. Alors, comment expliquer justement le fait que ce phénomène viking, donc, c'est-à-dire le viking, finalement, la définition, c'est le fait de quitter sa terre pour aller peut-être alors piller, peut-être ailleurs. C'est plutôt un terme de voyage, finalement, d'expédition. Et comment expliquer ce phénomène alors ? Expédition plutôt violente avec des raids. D'ailleurs, si on regarde les sources médiévales, mais qui parlent en latin, donc on les connaît un peu moins, Saxo Grammaticus, la geste des Danois, là on va parler des Slaves comme des Vikings au XIIe siècle, parce que c'est eux tout d'un coup qui ont été des très bons élèves, ils ont vu que ça marchait bien, et donc ils ont fait la même chose en Suède et au Danemark. C'est certainement quelque chose qui est lié justement à cette élite et cette idéologie guerrière, parce que quand on voit ces transformations, on voit aussi d'autres pratiques funéraires qui mettent en avant le guerrier, et surtout, ces dernières années ont aussi montré, ou décennies en fait, des très très très grands lieux de pouvoir. Le premier qui a été découvert était dans le nord de Norvège, où pour nous, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire là ? Mais là, il y a aussi des richesses énormes sous forme de fourrure et d'ivoire de morse, des choses qui étaient très, très prisées ailleurs, donc insérées dans les réseaux économiques. Et on a fouillé des sites comme Uppsala, où on a trouvé des grandes halles, et aussi l'Aire, qui remonte à quelle date, à peu près, justement, ces grandes halles, ou ces grandes, ce début de vie urbaine, justement, dans ce nord de la Norvège, à Nissen. Ben, en Norvège, c'est presque le plus tardif, c'est fin 8e, 9e siècle. Le plus ancien, c'est dans le sud de Scandinavie, c'est Gulm, le demeure du dieu d'ailleurs, et où on a trouvé dans un périmètre de 3 km carrés, plus de 10 kg d'or du début du 6e siècle. Et une grande halle qui fait 40 mètres de long, dans laquelle on a trouvé une copie d'une diadème impériale. Donc on voit là des gens qui ont une ambition de paraître comme des grands, grands chefs, rois, on peut même dire. Et puisque vous évoquez justement cette description faite par des marchands ou des voyageurs de ces villes scandinaves, eh bien, il y en a une bien célèbre, celle d'Altartushi, donc, qui nous raconte justement une grande ville la plus éloignée de l'océan du monde. Ce texte nous est lu par Nathalie Canoui. C'est une grande ville à l'extrémité la plus éloignée de l'océan du monde. À l'intérieur de cette ville, il y a des puits d'eau fraîche. Ses habitants vénèrent Sirius, en dehors de quelques-uns qui sont chrétiens, et ont là une église. Ils célèbrent une fête lorsqu'ils s'assemblent pour honorer leur dieu, et manger, et boire. Quiconque abat un animal à des fins sacrificielles plante un piquet devant sa maison et y pend l'animal sacrifié, qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'un bélier, d'un bouc ou d'un sanglier, afin que l'on sache qu'il fait un sacrifice en honneur de son dieu. La ville ne possède pas grand bien ni richesse. La principale nourriture des gens est du poisson, car il y en a en abondance. Si un enfant naît là, on le jette à l'eau, dans la mer, pour n'avoir pas à l'élever. En outre, les femmes ont le droit de se déclarer divorcées. Elles se séparent de leur mari quand bon leur semble. Elles ont un fard artificiel pour les yeux. Si elles s'en servent, leur beauté ne passe jamais. Elles s'accroissent tant pour l'homme que pour la femme. Je n'ai jamais entendu chanter plus horriblement que ces gens-là. On dirait un grognement qui leur sort de la gorge, comme l'aboiement de chien, mais encore plus bestial. Voilà donc un texte qui date du milieu du Xe siècle d'Al-Tartouchi, donc un voyageur arabe se rendant de ce côté de la Scandinavie. Donc il y décrit une ville avec évidemment les préjugés d'un voyageur qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, en particulier par rapport à cette langue gutturale et ces grognements qui sont censés donc être horrible, comme il le dit. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce type de source, Anne Nissen, par rapport à l'archéologie et aux preuves archéologiques ? Je dirais qu'il y a eu une importance de Hedeby au milieu du Xe siècle, qu'on peut voir aussi par l'archéologie. Et que ça a attiré aussi des gens, y compris des voyageurs arabes et des missionnaires chrétiens, et donc qui connaissaient cette ville, qui était aussi un peu... Quel était le nom de cette ville, donc ? Ça, c'est Hedeby. Alors, je me permets juste de dire que les autres qui étaient avant, ce n'est pas encore des villes. Les premières villes qu'on a en Scandinavie, c'est début du 8e siècle. D'accord. Et c'est Ribe, d'ailleurs, qui est un peu au nord, mais... c'est-à-dire que ça montre un peu l'aura. Après, je crois que François Aymion pourrait voir le droit de ne pas nourrir les enfants, qu'on a d'ailleurs aussi vu chez les Romains, c'est pour ne pas avoir trop de bouche. À nourrir. François Aymion, à propos d'un texte comme celui-ci, de ce voyageur arabe du milieu du Xe siècle. Alors, ce sont des textes évidemment très intéressants parce que ce sont des témoignages pris sur le vif, des gens qui ont vu, des témoins visuels. Mais par ailleurs, il y a évidemment un gap, excusez-moi pour cet anglicisme, un fossé culturel. Évident, parce que les voyageurs arabes, ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, le problème, vous me parliez des sagas tout à l'heure, ce sont des sources qui sont considérées comme largement fictives, très influencées par l'écriture européenne, par la culture chrétienne occidentale. Mais d'un autre côté, et c'est là où réside le paradoxe, c'est si on n'avait pas les sagas, on aurait du mal à constituer un récit organisé de ce qui s'est passé. Elles nous fournissent une narration. Et même, on voit chez des spécialistes qui mettent en cause des sagas, qui ont tendance à reprendre cette narration, parce que c'est le seul élément narratif dont on dispose. Mais ce sont des sources qu'il faut user avec parcimonie et critique surtout, hyper critique. Périne Cabran. Mais par exemple, sur ce type de texte de voyageur qui passe dans ces contrées, qui est surpris, est-ce qu'on a une multitude de textes ? Est-ce qu'on peut les croiser ? Est-ce que ça permet quand même d'avoir une base pour travailler sur la vie quotidienne des Vikings ? Est-ce que vous les croisez par exemple avec les travaux d'archéologues pour comprendre certains aspects de cette façon de vivre ? Là, le passage qui a été lu, en l'occurrence, décrit plutôt une vie quotidienne, donc qui est un petit peu incompatible, à mon avis, avec l'archéologie. Et en plus... l'archéologie raconte aussi... Oui, la vie quotidienne. C'est au contraire. Anne Nissen, justement, sur cette possibilité de croiser cette source écrite il y a très longtemps et donc d'une certaine façon aussi marquée par des préjugés culturels avec ce que vous croisez sur le terrain. C'est-à-dire, je me permettrais de ne pas être tout à fait d'accord. Bien sûr, on peut faire un récit organisé aussi sans les sources textuelles. Et ça, l'archéologie est en train de devenir une discipline mature. Et comme on fait aussi pour quand vous avez des gens qui parlent des Gaulois ou des périodes plus hautes. Et pour en Scandinavie, c'est pareil. Je dirais que la relecture qu'on a eue parfois de sources, notamment aussi des sagas, c'est plutôt dans le côté symbolique, au fait. Pour le quotidien et par rapport à Hedeby, il y a une autre information quand même qui est intéressante, qu'on peut voir à la fois avec des sources écrites. Là, pour l'instant, pas tout à fait l'archéologie, mais pour Hedeby, c'est la présence d'une église. Mmh. Alors, on a quand même un ensemble, on a aussi des sépultures. Sur les débuts de la christianisation, en l'occurrence. Ou plutôt, peut-être, la possibilité d'enterrer des commerçants chrétiens étrangers. Qui sont morts à Hedeby. Et donc là, on a aussi des sépultures de caractère chrétienne assez anciennes à Hedeby, mais qui ne reflètent pas la christianisation. Et l'église, on a une cloche qu'on a trouvée à Hedeby aussi. Et on sait qu'il y a un autre texte, comme quoi Anchières a eu l'autorisation de construire une église dans plusieurs endroits, donc Hedeby et Ribe, à condition de ne pas sonner les cloches. Ouais. Maintient donc d'un côté d'une religion traditionnelle donc scandinave, mm-hmm. et acceptation de l'arrivée d'une nouvelle religion pour les gens qui arrivent, mais pas encore début de christianisation. Bah, concession, il fallait concéder pour attirer des commerçants, il fallait leur laisser la liberté de commercer. De culte aussi. Ouais. Enfin oui, pour commercer. Et inversement, quand les Scandinaves ont à commercer en terre chrétienne, on leur demande, sinon de se convertir, au moins d'accepter une espèce de rite que s'appelle la primasignatio, qui les rend un petit peu chrétiens ou présentables. Alors, on parlait des sagas depuis tout à l'heure, on n'en a pas encore écouté d'extrait. On va écouter la saga d'Egil, on dit Egil ou... Egil. Egil, le fils de Grim le Chauve. Vous nous présentez cette saga, dont un extrait va nous être lu tout de suite. Alors, c'est une saga qui relate, commence avant la colonisation de l'Islande, donc dans la seconde partie du 9e siècle, et avec les ancêtres de ce Egil, qui va être un des colons islandais, et son grand-père s'appelait Ulf, dont on va entendre parler, et qui est un loup-garou, donc ce qui montre un petit peu le crédit qu'il faut, la fiabilité. Et en même temps, bon, il y a une description pour vivante. Mais pourquoi les loups-garous existent? Oui, non, c'est vrai, je m'égare. Donc, on écoute cette saga d'Egil, donc le fils de Grim le Chauve, lu par Nathalie Canouy, premier extrait. Il y avait un homme qui s'appelait Ulf, fils de Bialfi et de Halbera, fille d'Ulf l'Intrépide. Elle était la sœur de Halbjörn, le demi-troll de Hafnista, le père de Ketil le Saumon. Ulf était un homme si grand et si fort qu'il n'avait pas son égal. Dans son jeune âge, il fit des expéditions vikings et guerroya. Il était associé à un homme que l'on appelait Kari de Berdla, un noble homme d'un courage et d'une force héroïque. C'était un guerrier fauve. Lui et Ulf faisaient bourse commune et la plus grande amitié régnait entre eux. Lorsqu'ils cessèrent de guerroyer, Kari alla s'occuper de son domaine, à Berdla. C'était un homme d'une grande richesse. Il eut trois enfants. Sa fille s'appelait Salbjörg. C'est elle qui épousa Ulf. Lui aussi alla s'occuper de son domaine. C'était un homme riche, à la fois en terre et en biens meubles. Il reprit ses droits de baronnie, comme les avaient eu ses ancêtres, et devint un homme puissant. On dit qu'Ulf gérait activement ses biens. Ça n'est pas pour dire, mais ça mérite explication. Alors, oui. Non, il faut peut-être que vous nous éclairiez, François Aymion. Parce que là, comme ça, moi, personnellement, je suis un peu perdu. Surtout le père de Ketil qui est un saumon. Non, c'était son surnom, le saumon, qui a donné d'ailleurs lieu à une saga légendaire. Alors, Ulf, il s'est surnommé Ulf du soir, Kveld Ulfur. C'est-à-dire, il change de forme le soir, donc c'est un Ulf, ça veut dire loup, donc c'est un loup-garou. Son associé, qui était d'une force héroïque, c'est un guerrier fauve, un berserker, c'est-à-dire quelqu'un qui rentrait en fureur aussi invincible. Donc ça montre bien le caractère légendaire de ce texte, évidemment. Les guerriers fauves n'ont peut-être jamais existé, et les loups-garous peut-être non plus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces gens qui, dans leur jeunesse, vont en expédition viking pour faire de l'argent, on l'a pas dit, mais c'était quand même l'appât du gain qui motivait ces gens-là. Et quand ils reviennent, ils s'installent, ils ont des femmes et enfants, et ils gèrent un domaine, ils deviennent fermiers. Alors Anne Nissen, ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est qu'on se dit, voilà, donc pour les Français, enfin les Occidentaux, les Francs de l'époque, etc., des gens qui viennent piller leurs richesses, ils repartent avec ces richesses. qu'en font-ils et quel effet cela a-t-il sur la société des 9e et 10e siècles du côté de la Scandinavie, en l'occurrence. C'est-à-dire que ces richesses qu'ils pillent, qui sont racontées, dont on raconte ces pillages donc régulièrement dans les textes, en particulier de moines, des 8e ou 9e siècles, qu'en font-ils? Est-ce que ça a une conséquence sur le développement des villes, le développement de la société du côté de la Scandinavie? Il y a peut-être l'autre volet qu'il faut mettre en avant là aussi, ça c'est le commerce. Et bon, souvent ce sont les mêmes qui, quand c'est opportun de commercer, on commerce. Et quand c'est opportun de faire un raid, on fait un raid. Ou avant, il y a même, ça se voit dans la manière dont on présente les Vikings aussi en Scandinavie, il y a quelques années, on préférait mettre l'accent sur le commerçant et le fermier. Mmh. Or, il y a maintenant actuellement une très belle exposition au Musée national où tout d'un coup, ce sont les élites guerrières qui sont au centre. Alors, oui, le commerce existe avant, pour vous répondre. Et en fait, le commerce et les relations commerciales sont antérieures et sont à l'origine aussi du développement des premières villes, notamment Ribe, dont les premières phases remontent au début du 8e siècle et donc qui est vraiment la ville la plus importante du 8e siècle dans le nord de l'Europe. Et là, on dit ville plus importante, on a une dimension, un nombre d'habitants supposé, on pourrait dire quoi? Oula, je n'oserais... Non, on ne sait pas. Très peu aujourd'hui. Quelque je pense milliers, qu'aujourd'hui, on dirait un grand village. Et ouais, au début, c'était même un marché saisonnier. Donc ça, on a pu voir aussi par l'archéologie comment les commerçants sont revenus sur le même endroit. Mais ça montre aussi qu'on le savait. Et surtout qu'il y a beaucoup d'objets qui viennent des terres franques. Mmh. Donc, il y a du plomb qui vient de Franque, il y a des verres, matière première recyclée, qui n'est pas inintéressant pour notre période, des verres cassés carolingiens qu'on fait venir pour en faire des perles à ribes et des meules à bras pour moudre le grain, donc qui viennent dans les habitats ruraux. Donc il y a un commerce intense qui est bien antérieur au raid, au fait. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment souligner, mais seulement l'archéologie le montre. Or, les sources écrites, au fait, ne s'intéressent pas. Or, visiblement, ces régions étaient en contact. Oui, parce qu'une source écrite n'a pas intérêt ou n'aura pas de raison particulière de raconter le commerce ordinaire, la vie de tous les jours. Et en fait, il y avait des relations très anciennes de commerce, dans un sens comme dans l'autre, entre les Francs et la Scandinavie. Oui, et je trouve à ce propos, il y a l'une des mentions les plus intéressantes pour les premières raids, c'est au fait par rapport à Dorset, où, ça c'est en Angleterre, où c'est marqué qu'il y a des navires nordiques qui accostent, et le préfet du roi, il y vient. Pourquoi il y vient? Parce qu'il va prélever les tribus, comme d'habitude, sur les commerçants. Sauf que là, tout d'un coup, les nordiques avaient changé du cap. Ils se sont dit, non, là on ne paye pas, on pille. Ils ont tué le préfet. Mais ça montre au fait cette routine et des échanges tout à fait banals qui existaient. Et tout d'un coup, un changement, sans doute parce qu'ils étaient tellement bien informés. Et c'est pour ça aussi qu'il faut souligner l'aspect des élites, hein, qu'ils savaient ce qui se passait. Quand il y avait une fragilité, et là, tout d'un coup, c'était plus rentable de piller que de commercer. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, effectivement, comme type d'analyse, François Aimion. Mais les sagas ne racontent jamais des histoires de commerçants. Si, il y a des histoires de guerriers, ça on l'a compris, mais des guerriers faux, mais il y a des histoires de commerçants aussi. Il y a des histoires de commerçants aussi, parce qu'on affrète un bateau aussi pour aller faire des affaires. Hein, ça c'est donc effectivement la problématique qui est souvent posée, c'est les Vikings guerriers ou commerçants, ou guerriers et commerçants. En fait, c'est un peu anachronique parce que il n'y avait pas de catégorie socio-professionnelle, surtout au début des Vikings. Il n'y avait pas de catégorie de l'INSEE, vous voulez dire ça? Voilà, il n'y a pas de catégorie de l'INSEE, pas de cocher dans la case guerrier. Et fondamentalement, on n'était pas. Il n'y avait pas de caste de commerce. Alors ça vient avec l'arrivée des villes, effectivement, et en Scandinavie du Sud en particulier. Mais on était en fonction de la situation et des besoins et des opportunités, comme disait Anne Nielsen, guerrier ou commerçant. Troisième texte qui nous est lu par Nathalie Canoui, c'est toujours tiré de cette saga d'Egil, donc le fils de Grimm le Chauve. Et là, on voit bien que on ne fait pas que guerroyer. Arinbjörn passa cet hiver-là chez lui à gérer ses domaines. Mais au printemps suivant, il annonça qu'il avait l'intention d'aller en expédition viking. Il disposait une bonne flotte et au printemps, il fit équiper 3 bateaux longs, tous de grande taille. Il avait 300 d'hommes. Sur le bateau qu'il dirigeait, il mit des hommes de sa maisonnée. Il avait également avec lui de nombreux fils de Bender. Et c'était là un bon équipage. et il se joignit à lui pour cette expédition. Il commandait un bateau et un grand nombre des compagnons qu'il avait amenés d'Islande l'accompagnèrent. Concernant le bateau de commerce avec lequel il était arrivé d'Islande, il le laissa à flot, à l'est, dans le fjord d'Oslo. Il avait trouvé là des gens pour s'occuper de sa cargaison. Arinbjörn et Egil dirigèrent leur navire vers le sud en suivant les côtes. Puis, ils firent voile au sud, jusqu'en pays saxon, où ils guerroyèrent pendant l'été et acquirent du butin. Un extrait de la saga d'Egil, fils de Grimm le Chauve, lu par Nathalie Canoui. Périne Carvran. Anne Nissen, là, dans ce texte, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est cette question d'aller en expédition viking. Donc ça veut dire qu'on ne se qualifiait pas de viking, forcément, mais par contre, il y avait certains moments où on faisait quelque chose, et cette chose-là était viking. C'est-à-dire que nous, on a cette vision d'une civilisation viking, et finalement, quand on lit même dans une saga, on parle d'expédition viking. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment on définirait finalement ce terme de viking ? Je crois qu'il y a, on n'a pas la réponse définitive, je dirais, parce que bon, il y en a plusieurs propositions. Ce qu'on voit, c'est que le mot viking, c'est ça qui est resté un peu chez nous tous, bah, même aussi dans la préhistoire ou proto-histoire scandinave, c'est la seule période qui porte le nom des gens, l'époque viking. Mmh. Pour tous les autres, on a d'autres types de noms, donc... Après, il y a les sources tardives qui laissent entendre vraiment que c'est l'action d'aller en viking. Ça veut dire qu'on serait quotidiennement autre chose. Scandinave, et on deviendrait viking le temps d'une expédition. Je crois que là, il faut aussi voir les populations scandinaves comme très, très, très différentes. Et c'est pour ça que je voulais insister sur aussi la hiérarchisation. Il y a déjà certainement un fossé entre le libre et le non libre. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'il y a plusieurs catégories de. Il y a plusieurs catégories. Et il y a enfin une toute petite frange, donc parmi les élites, les dynasties royales, qui. Parfois même aussi revendiquent une ascendance divine. Mmh. Et donc, et après, il y a les autres qui peuvent, au fait, bouger. D'ailleurs, dans le saga, il y a le mot bondir, je pense que c'est paysan, qui, dans le mot scandinave, garde un peu la signification jusqu'au 12e, 13e siècle d'un quelqu'un qui a les pleins droits, un homme libre, mais qui peut aussi être assez aisé. Propriétaire oui. de sa terre. Quoi. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes qui vont en viking que ceux qui restent, qui sont la majorité, et je finis par là, la majorité, c'est quand même ceux qui restent et qui cultivent. Il paye peut-être les tribus aux élites guerrières. Oui, il y a une hiérarchie, sociale. C'est-à-dire que le bondi, le paysan, c'est l'élément de base de la culture scandinave. Scandinave est mauvais. Hein. Les Scandinaves s'appellent rarement Scandinaves. Mm-hmm. Hein. Voilà, c'est un terme de l'extérieur, comme probablement le mot viking au départ. Hein. Donc voilà, c'est l'élément de base. Ce sont des hommes libres qui siègent à l'Assemblée, qui portent les armes, etc. Mais à l'intérieur de c'est une population rurale. À l'intérieur de cette catégorie, évidemment, il y a des gens qui sont très riches et puissants, ceux qui sont capables d'affréter des bateaux. Et l'extrait qui vient d'être lu répond à la question que vous aviez posée auparavant, finalement. On voit ce Egil qui vient d'Islande avec un bateau de commerce, qui laisse dans le fjord d'Oslo, c'est un anachronisme, en fait, il faudrait dire Vic, j'ai traduit ça, transposé pour plus de clarté, et il s'en va après avec son ami Arinbjörn, ravaser le pays saxon et la Frise, où ils font du butin et ils reviennent et après et il va retourner dans le fjord d'Oslo s'occuper un petit peu de ses affaires, mais au départ il vient faire des affaires. Et la catégorie des esclaves, alors c'est justement des non-libres, qui sont-ils ces non-libres, comment devient-on non-libre dans cette société? Difficile de le dire. Il y a plusieurs catégories d'esclaves. Les vikings faisaient un grand commerce, on a parlé des fourrures et de l'ivoire de morse, mais ce sont de grands esclavagistes. Hein. Dans les pillages, il y a un butin en hommes, en femmes, en enfants, qui revendent après sur des marchés aux esclaves, et ils tirent beaucoup d'argent de ce commerce-là. Par ailleurs, d'ailleurs, effectivement, ça c'est une question qui est un petit peu débattue, dans le statut des esclaves. On sait qu'en Scandinavie, on sait qu'en Islande, par exemple, ils étaient très facilement affranchis, hein, les esclaves. Ils avaient des droits, hein, légalement, les textes de loi mentionnent bien, et ils sont assez rapidement, ils sont pas, on n'a pas de l'équivalent de nos serfs médiévaux en Scandinavie. Hein. Tombe-t-on à un moment du statut d'homme libre au statut d'esclave, et dans quelles conditions, Anne Dyssen, peut-on le dire ? Le sait-on d'une certaine façon ou pas ? Difficile à dire. Et là, je dirais que l'archéologie ne peut pas forcément pas vraiment répondre. Alors, si on regarde dans les sources contemporaines ou plus tardives, ou des exemples pris pour des périodes plus hautes, le fait de s'endetter trop, ça peut être une manière de tomber en esclavage. Des prisonniers aussi de raids. Et puis, on est né esclave. Et donc là, c'est quand même... dans la Scandinavie, on peut dire centrale, là, c'est vraiment un État qui est très, très, très difficile à franchir. Mmh. Et même si on lit les lois, notamment danoises, qui peuvent avoir des jutlandaises, notamment, ou sri-landaises, il y a des choses effrayantes marquées. On marque un esclave dans la loi sri-landaise, écrit au milieu du XIIIe siècle, mais peut-être une paragraphe plus ancienne, en lui ouvrant le nez. Donc, comme ça, on voit toujours que c'est un esclave. Mmh. Il est marqué à vie. Périne, mais d'ailleurs, ce commerce d'esclaves pouvait se faire aussi avec le royaume franc, où on sait qu'il y avait aussi des marchés d'esclaves à Rouen, par exemple. Il ne faut pas qu'on imagine que ce commerce d'esclaves était réservé à la Scandinavie. C'était quelque chose qui se faisait largement à ce moment-là. Ils étaient revenus à l'extérieur, les esclaves. C'était une denrée. Il y avait un marché. Et puis le monde arabe aussi achetait beaucoup d'esclaves, donc il y avait un véritable marché d'esclavage. Oui, il faut toujours voir par rapport au contexte où on est. Et notamment aussi par rapport à l'Europe du 9e siècle. Et même, on sait aussi, ça existait aussi dans l'Europe chrétienne. Alors là, on pouvait dire, normalement, il fallait que les gens soient libres, surtout s'ils étaient chrétiennes. Mais même les monastères n'avaient pas envie de lâcher leurs esclaves. Donc il y a... après, on disait qu'il n'était peut-être pas tout à fait chrétien ou des choses comme ça, mais c'est un peu normal, finalement, pour ces sociétés-là. Donc, ce qui était peut-être pas normal, et je pense là aussi par rapport aux raids des commerces, c'est qu'on a, dans les sources occidentales chrétiennes, on commence à avoir une séparation entre ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. La tripartition fonctionnelle. La tripartition scandinave n'a pas tout à fait la même scission. Il n'y a pas ceux qui prient, d'ailleurs, notamment aussi l'attachement religieux très très fort du roi, notamment, qui est aussi intimement lié au culte pré-chrétien. Et d'ailleurs, justement, Anne Dyssen, qu'est-ce qu'on sait de cette religion viking ? Parce que c'est aussi quelque chose qui marque beaucoup les esprits, qui reste dans l'imaginaire collectif. Thor, Odin, voilà. Freyr et d'autres. Je comprends que là, notamment, ça c'est là où l'archéologie a conduit aussi en Scandinavie, parmi les chercheurs scandinaves, à reconsidérer les sagas par rapport à une période où il y avait une très très grande critique, mais où c'est un filtre très très difficile. Parce que notamment dans ces grands lieux de pouvoir qu'on peut, en fait... Même si on n'a pas les noms de ces rois, mais qui portent un diadème impérial ou une imitation romain, etc., on a trouvé aussi des choses comme des bracteates. Ce sont des petites pièces ou des imitations, des solidi, donc des monnaies en or de l'Antiquité tardive, et où les versions les plus récentes, finalement, reprend des scènes connu dans les sagas, parfois. Il y a le mort de Balder, il y a le dieu Tyr qui fait manger sa main par le loup de Fenris, et c'est aussi dans ces styles animaliers un peu plus tardifs où on voit des guerriers fauves, que ce soit avec un pot d'ours, là on est au 7e siècle, et donc tout d'un coup on va vers cette... où le style animalier, les représentations humaines montrent une fusion entre l'humain et l'homme et l'animal. Alors sur ce point, François Aymion, et sur ce qu'on sait justement de cette religion à travers les textes des sagas que vous connaissez si bien. Finalement, pas tellement à partir des textes des sagas au XIIIe siècle. Un chef islandais qui s'appelle Snorri Sturluson écrit une Edda en un ouvrage qui s'appelle L'aide d'art en prose, qui est en fait un manuel d'art poétique, poésie skaldique, qui est une poésie très particulière, qui prend ses références dans la mythologie, et donc il fait, avant l'exposé métrique, l'exposé de la mythologie nordique, et on a aussi des poèmes qui s'appellent aussi Eddiques de l'Edda, qui racontent, qui sont consacrés à des dieux ou à des héros de l'Antiquité, qui sont effectivement en partie confirmés par l'iconographie, mais sur la pratique religieuse, là on est dans la mythologie, les représentations mythiques. Sur la religion, il n'y avait probablement pas de classe sacerdotale, pas de temple réel, même si les sagas font allusion au temple. Alors, un autre morceau donc, de texte, et en l'occurrence là, il s'agit d'une pierre runique du XIe siècle, trouvée en Suède, la pierre de Malsta, donc, dont la traduction nous est lue par Nathalie Canoui. Frömmund a élevé cette pierre à la mémoire de Gylfi le Riche, fils de Bresse. Et Bresse était le fils de Lin, et Lin était le fils d'Eun, et Eun était le fils d'Ofeg, et Ofeg était le fils de Tur. Groa était la mère de Gylfi le Riche, et ensuite elle donna naissance à Ladvi, et ensuite à Gudrun. Frömmund, fils de Gylfi le Riche, a tracé ses runes. Nous avons dressé cette pierre sur la rive du bras d'eau à Balsten. Gylfi a acquis cette localité, et aussi plus au nord des terres, dans trois villages, et aussi à Lunacœur, et enfin à Ferche. Alors, François Aymion, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de la question de la famille? Parce qu'on a parlé de l'organisation sociale, mais là, il y a toute la question des filiations, de la famille. On sait à partir des sagas qu'il y a évidemment des très grandes familles, qu'il y a donc une solidarité familiale qui va bien au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la famille nucléaire, les cousins des cousins, etc. etc. Qu'est-ce qu'on tire d'un texte comme celui-ci quand on veut s'intéresser à ce qu'était cette société des Vikings, et en particulier en matière familiale? Alors, l'énoncé de cette pierre unique est particulièrement intéressant, justement. Il rappelle les sagas islandaises et la partie la plus ennuyeuse des sagas islandaises où les personnages sont présentés dans un paragraphe de généalogie qui est assez indigeste et qui rend la lecture difficile. Mais ce qui montre que cette passion de la géologie qui est donnée comme islandaise généralement est partagée par l'individu existe aussi par rapport à ses ancêtres, et on rappelle qu'on est fils d'eux comme ça à l'infini, pratiquement jusqu'à 4e ou 5e génération, et les lois montrent bien que les compensations, parce que c'était un système qui fonctionnait par compensation, prévoit des amendes en fonction des liens de parenté entre les individus, avec le cousinage, etc. C'est quelque chose que la généalogie et la famille qui est particulièrement oui, parce important que dans ce... L'individu est solidaire de, non seulement de ses frères et sœurs, de ses parents, mais solidaire de beaucoup d'autres parties de sa famille éloignée à Nissen, d'après ce qu'on croit savoir. Justement, est-ce qu'on le voit dans l'archéologie, dans les traces archéologiques? Je dirais que là, c'est d'une question qu'on peut mal voir dans l'archéologie proprement dite, mais c'est quelque chose qui caractérise les sociétés un peu archaïques. Et on trouve la même chose finalement aussi dans les sociétés du haut Moyen-Âge en Occident. Et puis plus tard, El Vendetar en Corse. Donc c'est quelque chose, ou en Albanie. Avec le canon. Donc c'est un peu une régulation faite dans ces sociétés. Enfin, si vous traitez les sociétés corses et albanaises d'archaïques, le qualificatif. Vous m'assurez des gardes de corps pour la sortie. Je vous laisse le qualificatif, en l'occurrence. Mais néanmoins, sur ces questions familiales, c'est intéressant de s'intéresser à ça, justement, de voir comment fonctionnait la société à partir de cette cellule familiale, François Aymion. Eh bien, bien sûr, c'est intéressant. Oui, ça montre. Et on parlait des textes de loi à l'instant. Effectivement, vous aviez non seulement des droits, mais des devoirs en fonction du tort qui avait été fait à un de vos parents, et les devoirs étaient différents en fonction du degré de parenté. Périne. Peut-être pour finir, à Nissen, sur cette question de la religion, est-ce qu'on peut dire que la civilisation viking s'éteint au moment où tout le monde est christianisé? Non, on ne peut pas le dire. Et par rapport à la religion, mais c'est encore assez récent. Mais depuis une quinzaine d'années, on a trouvé des temples aussi. Il y a eu une grande nettoyage, mais on a des temples. On a des temples païens, que ce soit à Gudmund, Tisseux, Uppsala ou Pokra. Alors qu'avant, on pensait qu'il n'y en avait pas. Avant, on pensait qu'il n'y en a pas. Mais là, maintenant, on a vraiment des très, très forts arguments. On a tout ce qui est abrumé, mais c'est les fouilles de cette dernière quinzaine d'années. On les a. L'époque viking, souvent, on peut dire aussi quand les rois danois, notamment, vont en croisade dans les pays slaves, que finalement, c'est une sorte de raid viking dans un habillage un peu chrétien. Donc, finalement, ils font la même chose. Hein, mais bon... Avec la croix. Et est-ce qu'on a, comme on a pu l'avoir pour la question de l'Empire romain, le passage d'une civilisation donc païenne à la civilisation chrétienne, est-ce qu'on a des traces justement de la cohabitation longue des deux religions, par exemple? Est-ce qu'on sait si l'une et l'autre ont cohabité, comme ça a pu exister dans l'Empire romain tardif, pendant au moins 2 ou 3 siècles? On a des petites occurrences assez étonnantes. Et là, on a trouvé plusieurs petits moules qui fait qu'un artisan, il a pu faire à la fois des marteaux de Thor et des croix. Donc, le même artisan, il peut produire pour ceux qui veulent porter un marteau de Thor et ceux qui veulent porter une croix. Mais on voit là, à la fin de la période pré-chrétienne, comment tout d'un coup, on porte davantage aussi des marteaux de Thor, sans doute, parce que là, on va aussi signifier un peu plus, est-ce que je suis chrétien, suis païen. C'est relativement limité dans le temps, et finalement, ils ont été convertis assez rapidement, même si nos sources sont un peu faussées, parce qu'ils ont été écrits par, évidemment, des clercs, et ils n'allaient pas raconter autre chose. Mais malgré tout, quand même, il semblerait que la christianisation progresse assez vite. Et comment, un processus qui a commencé, évidemment, avant la conversion officielle des Vikings. Merci François Aymion. Je rappelle qu'on aura tout intérêt à lire l'Islande dans l'imaginaire, donc un colloque qui a été publié récemment aux presses universitaires de Caen, que vous avez co-organisé avec quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom parce que je ne suis pas capable de le donner, donc en l'occurrence. Et puis, par ailleurs, eh bien, on peut vous lire dans différentes revues, en l'occurrence, Anne Nissen. On attend peut-être, vous travaillez à un ouvrage de synthèse? C'est un peu ce qu'on m'a demandé de faire. On l'espère et on l'attend, donc cet ouvrage de synthèse sur ces questions de l'archéologie dans pays viking, en pays scandinave. Merci encore. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marcet. Les textes étaient lus par Nathalie Canoui. On se retrouve demain, Périne, pour évoquer un autre thème, et en particulier les autres lieux de conquête des vikings, et en particulier la Russie, c'est cela? Exactement, voilà. On va voyager avec les vikings. Tar Bouklifa était à la technique et Véronique Samouinov à la réalisation.